dernière syllabe. J'suis pas comme ces garçons sensibles qui pleurent d'amour en silence. Ne me demande pas trop de choses, j'ai une jeunesse à vivre en moi. En voulant mon amour, tu me demandes de vivre au moins. Tu m'as dit toi-même que ta chatte a traîné à droite à gauche. Malgré ça, t'espères quand même être la mère de mes futurs gosses. Quand on les traitera de fils de pute, tu pourrais rien dire. Si t'élèves mes futures filles, princesse, je crains le pire. Mais j'ai du respect pour les filles bien, je fais des efforts. Pour les autres, j'écoute mon cœur, mais ma queue parle trop fort. Pour moi, t'as lâché tes copines, à ton père, tu parles plus. Mais la femme de ma vie, c'est ma mère et pas une sale pute. Quand je dis pute, tu parles juste des putes et pas des copines. Donc, si tu t'en visais, c'est que t'es une de ces coquines. Tu sois le, c'est le mieux que t'es à faire. En attendant que je t'emblogue, la putain de ta mère. Je suis heureux quand t'as pas le nez dans mes affaires. Alors continue comme ça, je resterai pépère. Suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. Suce-moi le nœud, ouais, ouais. Suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. Suce-moi le nœud, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Love amour, je l'ai été bien sûr, je ne suis qu'un homme. Mais ouais, c'est le genre de truc qui te consume quand tu le consommes. Et qui te fait mal en cas de rupture. Comme un projectile de gomme cogne dans la poitrine ou dans la figure, du moins je présume. Car jusqu'à présent, j'ai jamais servi de cible. Mais ce genre de cartouche possède un bon stop and power. Déficite l'armurier d'après les données constructeurs. J'ai bon prosterné, réciter la fascia quand c'est l'heure. Je suis toujours en retard, je vois pas comment je pourrais devenir meilleur. J'ai les zèbres à la place du faussaire. Trop de testostérone dans mes viscères. Du vice en stock pour toi, ta rust, tes potes, tes frères. Je suis hardcore, terre à terre. Attiré par l'argent, j'enterre la hache de guerre. Pas trop profond pour l'avoir à portée de main en cas de besoin. Un putain d'aliéné mental, cette pute de life, c'est bien réel ou est-ce que c'est une farce? Au lieu de me déclarer apte, ils auraient mieux fait de me mettre une camisole de force. Fils de pute, suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. En attendant que je t'enveloppe, la putain de ta mère. Je suis heureux quand t'as pas le nez dans mes affaires. Alors continue comme ça, je resterai pépère. Suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. Suce-moi le nœud, ouais, ouais. Suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. Suce-moi le nœud, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. En attendant que je t'enveloppe, la putain de ta mère. Je suis heureux quand t'as pas le nez dans mes affaires. Alors continue comme ça, je resterai pépère. Suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. Suce-moi le nœud, ouais. Ouais, suce-moi le nœud, c'est le mieux que t'es à faire. Suce-moi le nœud, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Suce-moi les boulettes, suce-moi les boulettes. Ouais, ma boulette, ouais, ma boulette. Suce-moi les boulettes, ma boulette. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais.